Maxi Sud. Bonjour à tous, donc je suis Aurélie Fournier, directrice adjointe des agences de Crédit Agricole de Rieupeyroux et Nocelle. Je suis accompagnée aujourd'hui de Benoît Valaillé, donc qui est président de la caisse locale de Rieupeyroux, donc il est administrateur. Donc on est présent aujourd'hui à l'Escure Jaoul, puisque le comité d'animation de l'Escure Jaoul souhaitait inviter des partenaires, voilà, les ayant aidés et accompagnés sur l'année 2025. Donc c'est le cas du Crédit Agricole, puisqu'on a soutenu l'association pour la fabrication de 24 tables en bois. Et ça permet au comité d'animation d'être suffisamment équipé pour accueillir les visiteurs lors de la marche gourmande de l'été. Bonjour, alors c'est Rouquette Michel. Je suis le comité des fêtes de l'Escure Jaoul a été créé en 1970. Et je suis rentré là à l'époque comme bénévole. Et depuis 1982, 81-82, j'ai été trésorier du comité des fêtes, du comité d'animation de l'Escure Jaoul. Voilà, et depuis je suis là, et bon, j'ai cédé un peu la place à M. Gary Guillaume, mais je suis resté trésorier adjoint, et je m'occupe de tout ça, et je m'occupe de la fête du 15 août, de la marche gourmande que nous avons installée depuis 2004, et voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Après, bon, on a eu la chance qu'on a eu un membre du conseil d'administration du Crédit Agricole qui a réussi à obtenir une petite aide pour justement faire des tables et des banques et tout ça. Voilà. Voilà notre historique. Ça fait depuis 1970 que ça existe. On a, à l'époque, dans les années 75 et 76, nous avions des grands orchestres qui venaient ici à l'Escure. C'était André Borcoletti, des orchestres musettes. Louis Corcia, enfin, toutes ces grandes de l'accordéon, quoi. Voilà, nous avons connu tout ça. Donc, le bénévolat marche à l'Escure Jaoul. Eh bien, disons que Ça tire un peu parce que bon, les jeunes se font un peu plus rares, mais c'est vrai que c'est très important le bénévolat. C'est ce qui m'a tout le temps attiré de travailler pour faire plaisir aux autres, enfin de faire la fête et tout ça. Surtout ce qui compte, c'est essayons d'avoir cette convivialité que nous avions et que nous avons encore, c'est très important dans un village. La convivialité, faire la fête, mais participer à la fête, participer au truc, c'est très important. Voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est le jour où on n'aura plus cette convivialité entre copains, entre amis, c'est fini. Hein. Il n'y aura plus de comité de fête, comité d'animation, il n'y aura plus rien. Hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. Franchement, c'est mon dada, quoi. C'est le truc de bénévolat. Et je trouve que ça a changé, ce truc de bénévolat, cette forme de bénévolat qu'on avait autrefois. C'était, on allait, il y avait la fête, il fallait participer, il fallait faire, il fallait, on avançait. On se démerdait tout le temps de trouver un moment, allez, pour aller faire quelque chose, pour aller faire ci, pour aller faire là. Et c'est ce qui nous a bien arrangé. Alors cette petite aide du Crédit Agricole, ça nous a fait du bien, parce que ça nous a permis de se soulager d'un côté du travail et de créer d'autres tables et tout ça. Enfin, voilà, ça nous a amené tout ça.